c'est notre travail en tant que chercheur, d'essayer de faire en sorte qu'on y voit un peu plus clair, qu'on comprenne les choses un peu mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'être en prise avec la demande de la société et de faire en sorte que tous les acteurs qui sont intéressés dans la valorisation de ces productions aient un peu plus d'informations, comprennent un peu mieux de quoi ils retournent entre les produits fermiers, les produits terroirs, les labels rouges et toutes ces démarches différentes qu'on a un peu tendance parfois à confondre. Quand il y a une démarche de protection, il y a évidemment des rapports de force. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Le fait que vous ayez ou pas une entreprise, si vous avez une grosse entreprise comme Lactalis dans la zone d'appellation fromagère, les producteurs ne vont pas du tout rencontrer les mêmes problèmes que s'ils sont au fin fond de l'Auvergne pour un produit où il n'y aura pas vraiment de gros opérateurs. Et donc, on est chaque fois en face de choix qu'on peut ou ne pas faire. Les producteurs et les acteurs les font ou ne les font pas, mais c'est déjà important qu'ils connaissent les différents choix qu'ils peuvent faire. Et c'est dans cette optique-là que nous, on a fait un certain nombre de monographies, en particulier pour le beurre et la crème en Bresse, par exemple, pour la rosette de Lyon. Nous, on donne tout ce qui caractérise le produit. Après, les acteurs, c'est eux qui choisissent le degré de réalité du produit et jusqu'où est-ce qu'ils acceptent de le faire évoluer.